somnambule éthéré dans la nuit misanthropique se tinrent sous une lumière blafarde dans un sanctuaire polymorphe. Des cliquetis sarcastiques résonnaient dans cet imbroglio cataleptique dont le seul échappatoire se trouvait être un cumulonimbus blasphématoire. Tandis que des bigorneaux factices, sécrétant une glaire immaculée telle des pestiférés taciturnes équestres, laissant entrevoir un palindrome cynique, s'intercalaient subrepticement sous une clepsydre, des protozoaires partiellement ankylosés qui s'éclipsèrent sous une infrastructure tectonique dans un fatras incongru d'extrême-onction. Un écran tactile en celluloïde s'inscrivit en lettres de sang stigmatiques l'épitaphe post-mortem de l'hédoniste noctambule à la manière obsolète d'un leitmotiv anachronique pouvant s'avérer être un antagonisme exégète à ce spectre éphémère et funestement grandiloquent rappelant irrévocablement la parthénogenèse troglodyte induite par la bipolarité de ses interférences isotropes. Celles-ci furent séquentiellement centralisées sur la matrice d'un catadioptre anaphylactique avant d'être juxtaposées à un cloporte philanthrope. La globalité de son génome, comme par mimétisme, lui fit atteindre le paroxysme de la schizophrénie en souscrivant l'acception de locutions prépositives pour les associer furtivement à des catacrèses jubilatoires. Sa nyctalopie réfracta le plasma de cette nuit d'équinoxe. Laissant place à un amas spongiforme résiduel témoignant d'une pondération rétroactive. Son déphasage dubitatif le convainquit à fustiger la perception extrasensorielle du profanateur salace outrageusement intempestif, quoique virtuellement tacite. Mon visage tentaculaire finit par se transfigurer sous l'effet fatidique d'atroces convulsions spasmodiques. Leur sagacité intempestive les fit m'énoncer l'axiome de cet endocrinologue féru d'astrophysique qui stipulait en substance que toute oligarchie comparse attise la convoitise des ovipares polypeptidiques à l'égard de ces pseudo-pastiches orthorhombiques dont le microcosme plurivoque défalque outrageusement l'épithécanthrope introverti dont la désuétude conceptuelle occulte anticonstitutionnellement la crédibilité de leur existence iconoclaste. We'll be right back. J'espère que ça vous a plu. Moi aussi.